Sortir du chemin qui me conduit dans la poussière, me retient et me fait taire le long des saisons sans lumière. Pour me sortir des sommeils qui vont mentir jusqu'à offrir des paradis qui n'étaient rien que terre brûlée sans lendemain. Pour pardonner tous ces remords qui n'ont jamais crié colère, même sur les toits d'outre-mer, ivre mort à guetter l'aurore. Je frappe aux portes du matin, plus rien dans les mains. Je frappe aux portes du pieds nus dans la rosée et plus rien à faire. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, sortir du remous qui nous entraîne coup, sur des vitrines qui se moquent de nous, pendant que l'ennui sourit derrière. Pour sortir de la honte, un frisson froid quand je les revois, lancer les cailloux du mépris, blesser la vie vaste et profonde. Aux portes du matin, plus rien dans les mains. Je frappe aux portes du matin, pieds nus dans la rosée et plus rien à faire. Oh,